Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Paris, grande capitale des expositions universelles. Une exposition universelle en 2025. Pendant 6 mois, Paris pourrait accueillir tous les pays du monde. Fini les traditionnels pavillons au prix démesuré. Le projet promet de s'autofinancer. Par exemple, en utilisant les monuments déjà existants. Paris, à nouveau candidate pour accueillir une exposition universelle, celle de 2025. C'est en mars 2015 que tombe cette nouvelle avec la présentation aux Français du projet de candidature de Paris pour l'Expo universelle de 2025. L'histoire de Paris est intimement liée à celle des expositions universelles. C'est d'abord Paris qui en a organisé le plus grand nombre et puis c'est également à Paris que l'héritage de ces différentes expositions est le plus visible. On n'a qu'à penser à la Tour Eiffel, au Grand et au Petit Palais, ou encore au métro parisien. Le 20e siècle s'ouvre sous le signe d'une immense confiance dans les bienfaits que les progrès techniques apporteraient au monde. L'exposition universelle de 1900 à Paris reflète cet état d'esprit. Cette exposition est vraiment universelle. La Seine, sur les rives de laquelle elle s'élève, prend le nom de rue des Nations. Et tous les peuples de la Terre semblent s'y être donné rendez-vous. Dans l'ordre matériel, l'exposition de 1900 marque l'apogée de l'âge du fer. La plupart de ces pavillons, entre autres le Grand Palais des Beaux-Arts et le Petit Palais qui existent encore aujourd'hui, sont des modèles de ce que l'on considérait alors comme l'architecture moderne où le fer remplace la pierre et le bois. On y trouve en embryon tout ce qui devait servir de décor au visage scientifique de notre siècle. Le machinisme sous toutes ses formes, y compris l'automobile qui deviendra à la portée de tous entre les deux guerres. L'enregistrement sur cylindre qui se transposera par la suite sur disque plat. Et signalons même au passage une tentative de cinéma parlant au moyen de la synchronisation de l'image et d'un cylindre phono. Extrait de l'émission Cavalcade d'un demi-siècle diffusée en 1950 et qui résume assez bien l'état d'esprit au moment de l'exposition universelle de Paris en 1900. Pour retracer cette longue, cette riche relation entre Paris et les expositions universelles, j'accueille Éric Dussault, journaliste, historien, spécialiste de l'histoire culturelle européenne. Éric Dussault, bonjour. Bonjour. Ça commence quand, Éric Dussault? À quand remonte la toute première exposition universelle? Ben, c'est dur pour l'ego parisien, mais c'est les Anglais en 1851 qui organisent la première expo universelle. Remarquez, Paris va se reprendre par la suite. Oui, oui, évidemment, on est d'accord. Mais en 1851, c'est en Angleterre et ce qui restera peut-être le monument le plus marquant de cette première expo-là, c'est évidemment le Crystal Palace qui a marqué bien les esprits. Mais après, il faut quand même admettre, comme vous l'avez dit en ouverture, que Paris s'est bien repris parce qu'elle a 6 expositions universelles en plus de 2 expositions internationales thématiques, celle de 1925 et celle de 1931 consacrée aux colonies. Donc, c'est quand même pas rien. Et pourquoi, Éric Dussault? Parce qu'il y en aura beaucoup à Paris, mais ailleurs dans le monde. L'âge d'or, c'est vraiment fin 19e, début 20e siècle, l'âge d'or de ces expositions universelles. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument avoir son exposition universelle? Bien, on l'a entendu tout à l'heure, c'est une exhibition technologique. Alors, il y a une concurrence entre les nations pour montrer, en quelque sorte, notre génie, les capacités matérielles, techniques. C'est une foire commerciale, évidemment. Par contre, on ne fait pas de vente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exposer et après ça, on va recevoir des commandes pour les différents produits qui sont exposés. Il faut penser que jusqu'en 1900, le principal pavillon, c'est le Palais des Machines, où là, on expose des immenses monstres mécaniques qui visent à la fois instruire, parce que ça, c'est un mandat, éduquer le peuple. D'ailleurs, il y aura 10 000 billets qui seront donnés lors des premières expositions aux ouvriers pour les éduquer au progrès, pour les convertir aux bienfaits du progrès. Au moment où l'industrialisation fait mal quand même aux ouvriers aussi, en France particulièrement. C'est aussi un salon des beaux-arts qui permettra aux artistes de se faire connaître, d'être consacrés. Il ne faut pas oublier que c'est en 1855 que les artistes vont entre autres avoir la chance de faire l'objet d'une première rétrospective. La rétrospective a été inventée à Paris en 1855. Exposition architecturale, puisqu'on utilise toujours les techniques les plus récentes, les idées les plus récentes en matière d'architecture. Pascal Horry parle de garden party gouvernementale. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que les nations se mettent en scène, se mettent en spectacle, utilisent des moyens financiers et humains colossaux dans une courte période de temps. D'ailleurs, on n'en parle pas assez souvent, mais il y a eu des morts, des ouvriers qui sont décédés au moment de la construction des expos. Pourquoi? Parce que les travaux sont faits souvent trop rapidement. Il y a beaucoup de chauvinisme, en fait, là-dedans. Tout à fait. On veut monter, gonfler les muscles, montrer au monde comme on a de beaux biceps. C'est un petit peu ça, l'idée. Là-dessus, justement, écoutez, puis l'idée de progrès, d'innovation, là, de montrer au monde comme on est à l'avant-garde. Écoutez, là-dessus, c'est assez éloquent. En 1937, Léon Blum, le président du Conseil des ministres français, qui décrit justement l'objectif de cette exposition de Paris en 1937. L'exposition de Paris est une grande compétition internationale, mais une compétition pacifique, dont le but est d'exalter l'esprit d'invention, d'entreprise et de hardiesse, le génie créateur, le sens du progrès, la valeur de l'effort individuel et collectif, le goût du risque, ce besoin nécessaire de nouveauté qui est au cœur de l'homme et qui le pousse à travailler sans cesse à l'embellissement et à l'amélioration des conditions de la vie sur la Terre. L'esprit d'invention, le génie créateur, le sens du progrès. Éric Dussault, vraiment, ces notions d'innovation, de dépassement, elles sont très, très présentes dans ces expositions. Tout à fait. Et à chaque fois, on veut ébahir le public. Et surtout, il s'agit toujours de faire mieux. Et comme aujourd'hui, on aime les clics sur le web, à l'époque, on aime, puisque le tourniquet a été inventé durant l'Expo universelle de Paris, on en profite pour comptabiliser les entrées. Mm-hmm. Et lorsqu'en 1900, on arrive à 51 millions de visiteurs, que seul Montréal atteindra par la suite lors de l'exposition universelle, eh bien, à ce moment-là, évidemment, c'est la consécration du succès populaire, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont aussi des fêtes populaires et que pendant ces fêtes-là, oui, effectivement, on veut montrer toutes ces prouesses dont nous parlait Léon Blum. Mais ce qui est ironique, c'est qu'en 1937, on est quand même 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale et qu'au même moment, il y a 2 pavillons importants qui s'affrontent, celui de l'URSS et celui de l'Allemagne nazie, qui sont juste à côté du pont Iéna et qui sont monumentaux, 54 mètres de hauteur pour la tour du pavillon conçu par Albert Speer, le pavillon nazi. Alors, c'est étonnant d'entendre ces propos-là sur la paix, mais en même temps, il y a un mouvement pacifiste à l'époque, mais en concomitance, il y a quand même une tension qui est bien palpable, même si 2 ans plus tard, il y a un pacte germano-soviétique qui est signé, donc un pacte pendant 10 ans d'amitié et de protection entre l'URSS et l'Allemagne, mais il en demeure pas moins qu'ils vont se faire la guerre, évidemment, durant les années 40. Alors ça, c'est particulier d'entendre ça dans ce contexte-là. On revient au statut de championne de Paris. Pourquoi? Pourquoi tant d'expos universelles à Paris? Pourquoi tant d'expositions? Ben, premièrement, je pense que Paris a toujours été très bonne pour se mettre en scène. On a compris l'importance de ces événements-là. Ensuite, il faut pas oublier qu'il y a différents régimes politiques. Au départ, c'est Napoléon III, en 1855 et en 1867, qui reçoit le monde. À partir de 1878, on vit dans un système républicain. Et là, ben, c'est la République qui veut montrer qu'elle peut faire aussi bien que l'empereur. Donc, vous voyez, déjà à l'intérieur même de la France, il y a une compétition entre 2 systèmes politiques différents. Par la suite, c'est clair que la France veut montrer toute sa puissance à l'échelle internationale grâce à ces expos-là. Mais ce qui est particulier, c'est aussi les traces que cette expo-là laisse dans l'histoire de Paris, des traces bien marquées qu'on voit encore dans le paysage. Et surtout, l'expo parisienne est toujours concentrée au centre-ville. Oui. Bon, à part en 2025, où là, visiblement, ça sera différent. Et ce même en 2025, partout dans la France. Il y a différentes villes qui seront mises à contribution. Qui seront engagées Paris, là-dedans. Mais d'autres villes aussi. Mais au départ, ce sont toujours près de la Seine que vont avoir lieu les expos. Qu'on va transformer, d'ailleurs. Puis on va y venir dans un instant, mais de manière considérable. Les bords de Seine, et ce sera quelques années seulement, quelques mois, mais vont être considérablement transformés. Il y a quand même des choses qui vont rester plus durablement. Il y a un héritage tangible de ces expos. Évidemment, l'exemple qui nous vient tout de suite, on aurait pu parler de la Tour Eiffel, on y reviendra, mais le métro, la naissance du métro parisien. Écoutez le reportage préparé en 1960 par Charles Temerson qui résume au fond l'importance qu'aura la tenue de l'exposition universelle de 1900 dans la naissance du métro parisien. 19 juillet 1900. Depuis 90 jours, l'exposition universelle de Paris déroule ses fastes et depuis un mois, la grande tragédienne française Sarah Bernhardt meurt chaque soir dans l'Aiglon pour ressusciter plus jeune et plus belle le lendemain. Mais le grand événement de cette journée de juillet, c'est l'ouverture au public de la première ligne de métro souterrain. Longue de 6 milles, elle traverse Paris de part en part. C'était là l'aboutissement heureux d'un vieux projet dont l'adoption de principe n'avait pas demandé moins de 43 ans et la réalisation 20 mois. Cette idée d'un métro souterrain ou aérien prit corps en 1855 dans un projet qui voulait relier le centre de Paris à sa périphérie. Mais un différend persistant qui opposait la ville de Paris à l'État retarda l'étude de ce projet. Il fallut que le 30 mars 1898, une loi déclarant d'utilité publique la construction d'un chemin de fer à traction électrique fût votée, et que la proximité de l'exposition universelle en fît une question de prestige pour que les dernières difficultés administratives s'aplanissent. Alors, on le voit clairement dans cet extrait, Éric Dussault, les expositions universelles sont un formidable levier de développement. Paris aurait eu son métro, mais la tenue de l'exposition universelle débloque la construction du métro, tout à fait. Accélère les choses. Par contre, c'est important de préciser qu'il y a 2 mois de retard, on l'entend au départ, mais finalement, ça va être très utile parce qu'il y aura en 5 mois 10 millions de visiteurs qui vont l'utiliser. Donc, c'est vraiment important et ça marquera l'histoire. On parle de la ligne 1, c'est la première ligne qui est toujours en fonction. Évidemment, par la suite, il y en aura d'autres. Et l'ironie, ce sera que Montréal recourra à l'expertise française en 67 pour pouvoir avoir son propre métro. Donc, finalement, il y a un lien entre eux et nous, encore et une fois. Et à Paris, parce qu'il y a eu énormément d'expositions, beaucoup, 6 officiellement, 2 autres qui sont presque des expositions universelles, l'héritage qu'on peut voir encore, il est très, très présent. C'est probablement la ville dans le monde où l'héritage des expos est le plus visible. Tout à fait. Si on repassait un petit peu en revue, les grands legs, ce que nous ont laissé et qu'on peut toujours voir les expos universelles de Paris. Ben, en dehors de la Tour Eiffel, qui est une évidence haute de ses 300 mètres, il y a évidemment le Petit et le Grand Palais. Il y a, L'expo de 1900, d'ailleurs, va être assez... le Petit et le Grand Palais, c'est 1900. Oui, c'est ça. Donc, c'est un moment important où on va... avoir ces deux institutions qui, encore aujourd'hui, sont très fréquentées. C'est vraiment une belle récupération qui a été faite par la suite. Dans des expositions précédentes, il y a eu le parc des Buttes-Chaumont qui a été aménagé à cette occasion-là. Ensuite, on parlait de... Qui est un des beaux parcs de Paris encore aujourd'hui. Tout à fait. En 1937, beaucoup plus tard, ben là, on a aménagé toute la place près de la Tour Eiffel, donc le Palais de Chaillot et le Palais de Tokyo, qui sont des héritages directs de l'expo de 1937. Donc, ce qui a été le Palais du Trocadéro au départ, mais qui finalement devient le palais de Chaillot. Le pont Alexandre III, il ne faut pas oublier, avec son zouave qui est magnifique, qui est un héritage aussi des expos universelles. Bref, on ne peut pas marcher dans les rues de Paris, on ne peut pas comprendre Paris aujourd'hui si on ne fait pas référence aux expos universelles. Impossible. Ouais. Ils ont vraiment eu un impact important. Mais en même temps, on y reviendra plus tard. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, malheureusement, mais l'invention de la photographie et même du cinéma plus tard va nous permettre d'avoir quand même des beaux souvenirs de ces années-là. Vous lisez dans mes pensées, Éric Dussault, parce qu'on a un prochain extrait à présenter aux auditeurs qui fait état d'une exposition qui a été organisée en 2009, exposition de photos, justement, sur les expositions universelles et qui voulait montrer aux Parisiens tout ce qu'on a perdu, tout ce qui a été bâti temporairement au cours de ces expositions et détruit tout aussi rapidement que ça n'avait été bâti. On écoute Sylvie Clavel de la Conciergerie de Paris où avait lieu cette exposition en 2009 nous parler de tout ça. On connaît mal ces expositions universelles et pourtant elles ont complètement marqué le paysage parisien puisque certains édifices demeurent encore et d'autres ont été démolis alors qu'ils étaient construits avec de grandes prouesses, et ça valait vraiment la peine de le montrer au public. Deux exemples, la tour Eiffel bien évidemment, notre tour de 300 mètres, et à côté, la galerie des machines qui elle a été détruite, et ce sont deux exemples d'architecture métallique qui ont complètement transformé le paysage parisien. Ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est de voir à quel point on a construit pour démolir aussitôt après. C'était des chantiers titanesques, réalisés dans des délais records et redémolis dans des délais records. C'est inimaginable, c'est quelque chose qu'on ne peut plus tout à fait faire dans les mêmes termes aujourd'hui, même s'il y a encore des expositions universelles, elles ne peuvent pas comporter autant d'éléments à détruire. Intéressant hein, de oui. montrer, c'était du délire aussi ce qu'on faisait, parce que d'abord, on ne pourrait plus, elle le dit très bien, on ne pourrait plus, faute de moyens, les conditions, vous avez évoqué des morts sur les chantiers. Tout à fait. Et puis ce délire, là, dans cet esprit d'aujourd'hui de développement durable, c'est impensable. C'est des villes qu'on construisait pour les démolir quelques mois plus tard. Tout à fait. Et même des monuments. Lors de l'exposition coloniale de 1931, on va recréer à l'identique le palais d'Angkor du Cambodge, vous imaginez, et on détruit tout ça à la fin de l'événement. Tout est en torchis, en carton, il y a de la céramique aussi, et puis on défait ça après coup. Il y a certains éléments des expos universelles qui, en dehors de Paris, ont été achetés par des industriels français qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde et même dans certaines communes françaises. Mais c'est vrai que c'est plutôt l'exception que la règle. Mais je voudrais absolument vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup, qui est l'hommage à l'électricité. Mm-hmm. On oublie l'importance. C'est à l'expo universelle de Paris qu'on va découvrir d'abord l'électricité. D'ailleurs, ça va marquer les esprits. C'est ce qui vaut le titre de Ville-Lumière à Paris. Ah bon? 1889, c'est l'année où l'électricité éblouit le monde. Et puis en 1900, il y aura le palais de l'électricité avec une fée au-dessus. Et au bout, il y aura une espèce de fanion électrique qui éblouira les gens qui sont à l'expo universelle. Et on a Paul Morand qui dit « L'électricité, on la tend en fil, on la met en bobine, puis on la décharge dans l'eau, on l'émancipe sur les toits, on la déchaîne dans les arbres. C'est un fléau, c'est la religion de 1900. Il ne faut pas oublier ça, l'électricité qui change Paris oui. et qui lui donnera à tout jamais ce nom de Ville-Lumière. Quelle a été, je pense que c'est celle de 1900, mais pour revenir à ces villes temporaires, ces villes qu'on construisait en bord de Seine et qui disparaissent, racontez-nous un peu à quoi, parce que quand on voit des photos, on peut pas imaginer que les berges de la Seine aient ressemblé à ça à un moment donné, mais c'est vraiment une ville qu'on construit, là. Oui, tout à fait. En fait, celle de 1900, de 1900, elle sera 10 fois plus grande que 1855, la première exposition de Paris. C'est vous dire, il y a 136 entrées sur le site. Donc, déjà, c'est assez impressionnant. Ouais. Et on va reconstituer le vieux Paris à ce moment-là. On va pouvoir se balader sur la Seine, évidemment. Il faut vraiment voir des films d'époque, vous en trouverez sur le web, où vous allez peut-être mieux comprendre, et on voit chacun des pavillons des différents États. Les États-Unis sont là. Vous ne me posez pas la question, mais le Canada a participé évidemment aux expos universelles. On n'avait pas le choix, surtout que nous, notre pays a été créé en 1867, alors c'était d'autant plus important de participer à ces expos-là pour se faire valoir comme nouvelle nation indépendante de l'Angleterre. Alors oui, il y a ces berges parisiennes qui vont être éternellement modifiées, mais en même temps, à chaque fois, ou presque, il faut remettre dans l'état précédent, l'espace où s'est organisée l'expo. Ça, c'est très particulier. Et puis, il y a un autre truc assez particulier dans ces expos universelles. On revient un peu à l'esprit des expos. Ça donne parfois droit à certaines, appelons ça des excentricités. Écoutez Jean Rouche décrire les images qui sont tirées d'un film sur l'exposition de 1900, justement. L'exposition était desservie par un moyen de transport de conception révolutionnaire, le trottoir roulant, auquel on accédait par des rampes en pente douce. Le guide officiel le décrit ainsi. Il consiste en deux planchers mobiles parallèles, dont l'un, le plus large, roule à une vitesse de 8,5 km et l'autre de 4,5 km. On passe à volonté et sans aucun danger de l'un à l'autre. Sur la gauche, une jeune femme inexpérimentée va tenter de passer d'une plateforme à l'autre sans perdre sa dignité. Un trottoir roulant, oui. Éric Dussault. Écoutez, Jacques, on dit en 1900, pour réussir une expo, il faut s'adresser au grand public et pour le retenir, il faut l'amuser. Mm-hmm. Ben voilà, à la fois quelque chose d'utile et d'amusant. Mais n'oubliez pas qu'en 1900, les femmes portent des robes longues et qu'elles doivent développer de nouvelles attitudes pour enjamber le premier trottoir qui roule à peu près à 5 km/h et l'autre qui roule à 8-9 km/h. Vous imaginez l'élégance parisienne qui est connue mondialement, qui doit être concomitante avec l'utilisation de ce nouveau moyen de transport-là. C'est un début d'insolence d'une caméra, d'une certaine manière. Tout à fait. Mais c'est très émouvant. Au-delà de l'anecdote, encore une fois, il y a l'esprit des expos. Tout à fait. C'est ça que ça montre. Oui, et les gens sont ouverts. On aurait pu penser que les femmes, lorsque je regardais les images, je me disais, peut-être que les femmes vont être troublées, peut-être même fâchées, elles vont se prendre les pieds et la robe dans le nouveau système. Non, pas du tout, elles trouvent ça amusant. Ouais. Et les messieurs, belle occasion pour eux d'être élégants, d'être tout à fait courtois, ouais. Prennent leurs mains et les aident à... Voilà, donc il y a à la fois le charme de Paris 1900, faire la cour aux femmes et tout ça qui est là, et en même temps, la nécessité, avec 51 millions de visiteurs, de les déplacer à l'intérieur de l'expo. Aujourd'hui, Éric Dussault, qu'est-ce qu'elles deviennent? Il y en a encore des expositions universelles. Qu'est-ce qu'elles deviennent? En fait, le débat, il porte beaucoup sur l'héritage. Donc, ceux qui ont étudié les expositions universelles plus récentes se posent la question, quelles sont les villes qui ont bien réussi, quelles sont les villes où il y a eu un échec? Évidemment, Montréal est considéré en général comme étant un échec de ce côté-là pour la réutilisation des pavillons, à quelques exceptions près. Par contre, au Portugal, là, c'est plutôt une réussite. Donc ça dépend des villes et il y a toutes sortes de facteurs. Mais c'est clair que l'appropriation par la population est importante. Moi, je suis allé à Hanovre dans les années 2000 en Allemagne, et là, je lisais que le lieu est encore dans le même état qu'à l'époque. C'est complètement abandonné. Donc, c'est ça le problème, c'est de réutiliser ces bâtiments-là. Puis tout à l'heure, vous parliez de Paris 2025. Ouais. Ben, en fait, pour ne pas se retrouver avec des infrastructures inutilisables par la suite... ou qui pourrait l'être potentiellement, on se rend bien compte que maintenant, on trouve que ça a moins en moins d'allure, en quelque sorte, d'agir ainsi. Donc ça, c'est peut-être le nouveau défi pour les expos universelles, d'être à la fois impressionnantes comme elles l'ont déjà été, mais en même temps, de ne plus coûter aussi cher qu'avant et de ne pas laisser en legs des dettes et aussi des bâtiments qui sont inutilisables. 2025, c'est intéressant parce qu'au fond, Paris, qui est encore 6 expositions universelles à son actif, qui sera dans la course pour 2025, c'est peut-être le début de la nouvelle génération des expositions. Oui. On part du bâti qui existe, l'héritage des précédentes expositions. On va davantage miser sur la technologie pour créer une nouvelle dimension, une nouvelle expérience, mais avec ce qui existe déjà, finalement. Oui, et surtout, ce qui m'a frappé quand je me suis renseigné là-dessus, c'est que toutes les grandes écoles, ce qu'on appelle les grandes écoles en France, c'est les universitaires, les jeunes, sont engagés dans le projet. Alors là, il y a une tournée qui se fait un peu partout en France, et puis les jeunes ont un mandat de conseiller là-dedans. Et ça, en France, c'est particulièrement étonnant. Pays où la jeunesse, on le voit encore dans l'actualité, n'a pas toujours droit de parole, n'a pas toujours sa place. Et là, pour une fois, elle joue un rôle important dans 2025. Éric Dussault, journaliste, historien spécialisé en culture européenne. Toujours un plaisir de vous recevoir. Ça m'a fait plaisir. Merci, Éric. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de l'émission, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Amaryllis Proulx, à la technique aujourd'hui Louis-Pascal Loriot. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.